mon cœur. Un oiseau bat de l'aile, quelque part dans le ciel, quelque part dans le ciel. Cet avion qui s'envole dans les airs, sur la piste soulève la poussière, prenant son essor vers notre avenir, sur un tapis de rêve et de désir, emportant un peu de notre bonheur. Au fond de moi, j'entends battre son cœur. Du pôle à l'équateur, de mon cerveau à mon cœur, un oiseau va de l'air, quelque part dans le ciel, quelque part dans le ciel. Cet oiseau que mes yeux cherchent au loin, quand dans le ciel il n'est plus qu'un point, prenant son essor vers notre avenir, sur un tapis de rêve et de désir, comme une colombe, une bague au pied, il s'envole au ciel de la liberté. Du pôle à l'équateur, de mon cerveau à mon cœur, un oiseau bat de l'aile, quelque part dans le ciel.